Histoire édite, on vous raconte les histoires improbables des autres. Bon Audrey, est-ce que t'es prête pour ce premier épisode? On dit pas bienvenue sur All In. Ah pardon, ouais. Bienvenue sur All In. Mais écoute, je peux commencer si tu veux. Ah bah vas-y, raconte-moi ton histoire alors. Donc mon histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a acheté la maison de rêve de sa femme avant leur mariage, mais tout s'est pas passé comme prévu. Il y a 10 ans, ma fiancée m'a quittée quelques semaines avant notre mariage. Nous avons grandi dans une petite ville. Nous étions amis, nous allions à la même école, mais nous n'avons jamais fait partie de la même clique. Elle faisait partie des enfants populaires, mais pas moi. Quelques années après l'université, je suis retournée vivre à la maison lorsque mon père est tombé malade. J'ai aidé mon père à se rendre à ses rendez-vous de chimiothérapie. C'est au cours de l'un de ces rendez-vous que j'ai rencontré mon ex. Elle travaillait maintenant à l'hôpital. Un jour, en attendant, je l'ai invitée à sortir. Il s'est avéré que nous partagions les mêmes centres d'intérêt. Ok, donc c'était une infirmière à l'hôpital où son père il avait le cancer. Ouais, ouais. Okay. Et là, du coup, ils sont plus ensemble, donc il l'appelle donc, mon ex. Mon ex, mais là, à ce moment-là, c'était une nouvelle femme. Ok, vas-y, ouais. Continue. Notre relation semblait se dérouler à merveille. Environ un an après le début de notre relation, donc il l'appelle ex. Ex et moi avons emménagé ensemble dans une maison louée. Viens, on l'appelle genre Marie ou un truc comme ça. Ok. Marie et moi avons emménagé dans une maison louée. L'année suivante, je l'ai demandé en mariage. Nous avons commencé à chercher une maison. Marie a toujours voulu vivre dans la maison de ses grands-parents, au bord du lac, près de notre ville. Sa famille a été contrainte de vendre la maison à la mort de ses grands-parents en raison d'un conflit d'héritage. 6 mois avant notre mariage, un événement s'est produit. Le couple qui avait acheté la maison du lac de ses grands-parents s'était lassé de nos hivers enneigés. Il a fallu un peu de travail et presque toutes mes économies, mais j'ai pu acheter la maison de ses rêves. Oh my god, elle doit être contente, sauf que non. Exactement. Et il l'a acheté lui, déjà. Il l'a acheté lui avec toutes ses économies, genre vraiment tout. Il s'est donné, il a dit je l'aime, je l'ai demandé en mariage, on va bientôt se marier. Ça fait quoi, un an et demi qu'ils sont ensemble? Ouais, et il va vraiment, genre, réaliser son rêve en vrai. Oh my god. Ce devait être mon cadeau de mariage surprise. Alors je n'ai pas osé lui dire, ni à personne dans sa famille, ce que j'avais l'intention de faire. 1 mois avant notre mariage, Marie et ses amis sont allés à Miami pour son enterrement d'une jeune fille. Et je sais pas vraiment ce qui s'est passé là-bas. Une partie de moi ne veut vraiment pas le savoir, mais je sais que son petit ami du lycée était l'homme de la situation. Oh non ! Marie ! Pourquoi ? Lorsqu'elle est revenue du voyage, elle a craqué et a avoué qu'elle avait peur de se marier et qu'elle voulait tout arrêter. Oh, c'était la pagaille. Elle a ensuite déménagé en Floride et a fini par épouser le fiancé du lycée. Comment ? Pendant que lui, il a une putain de maison. Elle avait pas hyper peur de se marier quand même. Enfin, non, avec lui, mais pas avec celui du lycée. Du coup, lui, il se retrouve avec la maison des grands-parents de la fameuse Marie au bord du lac. Mais il lui a pas dit, meuf, reste avec moi, j'ai la maison de tes grands-parents. J'ai fini par retourner en ville pour un travail formidable. Entre-temps, j'avais toujours la maison du lac. Avec l'aide de ma mère et de mon père, nous avons commencé à réparer la maison du lac. Ça a pris quelques années. En même temps, c'est cute, maison du lac, ça doit être une belle maison. Ouais, mais toutes ses économies, quoi. Oh, pour qu'il la demande en mariage, elle l'accepte. Et finalement, à l'enterrement de la jeune fille, elle se rend compte que non. Hein. Cet été, nous avons fêté le 4 juillet à la maison du lac. Ma sœur a utilisé des photos du lac pour sa carte de Noël. Oh. L'une des cartes est parvenue au cousin de Marie, l'ex. C'est trop marrant, elle m'a pété un plomb. Le cousin a reconnu la maison. Le samedi précédent le nouvel an, Donc attends, 4 juillet, donc là c'est, on est en décembre du coup. Ouais. Le samedi précédant le nouvel an, la mère et la sœur de Marie se sont présentées à ma porte. Oh god. Après les avoir saluées et avoir répondu à leurs premières questions, elles m'ont fait une offre d'achat. J'ai refusé, elles n'étaient pas contentes. Bah oui, en même temps il a tout retapé, c'est des malades. Quelques jours après, j'ai reçu un long texto de mon ex-mari. C'était la première fois en 9 ans qu'elle me parlait. 9 ans se sont écoulés. Elle m'a traité d'imbécile pour lui avoir caché ça. Sa famille lui reproche d'avoir encore perdu la maison. Elle m'a ensuite demandé de vendre. Je n'ai toujours pas l'intention de vendre. Maintenant, elle et sa famille se plaignent sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de vengeance. Oh my god, c'était trop bien. Cette histoire est incroyable. Mais bien sûr, garde la maison, mon petit. C'est le meilleur plot twist. Bon, après, si je peux me faire l'avocat du diable... Peut-être que du côté de Marie, tu vois, elle a retrouvé son amoureux d'enfance. Genre là, on a que la version Ah mais absolument. Triste, mais bon, en même temps, ils allaient se marier, elle a plus voulu. On peut pas lui en vouloir que le cadeau du mec ait été ça, tu vois. Il allait pas lui donner. Et puis la petite, je la vois à la petite maison. Ouais, Carmel. Je la vois à la petite maison au bord du lac. Là. Vraiment. Ok. Vas-y, qu'est-ce que tu as à me présenter? Alors, en fait, à la base, c'est en anglais. Et la phrase, c'est « Am I the asshole for sleeping with my friend when I'm married ?» Donc, « sleeping with », normalement, c'est « coucher avec ». Mais là, elle précise « je couche pas avec, je dors avec mon ami ». Donc, c'est une fille et elle demande si c'est une connasse de dormir avec son amie femme alors qu'elle est mariée. Donc c'est une femme de 26 ans qui parle et qui explique qu'elle est mariée à son mari qui a 27 ans depuis 7 ans et ils sont ensemble depuis 11 ans, donc depuis très jeune, ok? Ils ont toujours été heureux ensemble, elle aime son mari, mais récemment il a commencé à se plaindre, alors qu'elle utilise trop la couette, qu'il fait trop chaud, qu'elle le colle trop, qu'il y a trop de coussins, qu'elle va trop tôt au lit et plein de trucs comme ça, et du coup même si elle lui a promis qu'elle le ferait plus, il veut plus dormir avec elle. Et ça fait 3 mois qu'il dort dans la chambre d'amis. Oula, ok. Ok. Donc, elle est triste et tout parce qu'elle veut lui faire des câlins. Et surtout, ça fait du coup 3 mois qu'ils n'ont pas couché ensemble. C'est un peu bizarre et tout, ça lui manque. Et ce qui lui manque surtout, bah, c'est juste que son mari ne lui parle même plus. Il se lève à 6h le matin. Il part à 8h. Il revient à 20h le soir. Du coup, elle se sent triste et seule. Et arrive l'ami. Donc son amie est aussi une femme de 26 ans, ok, qui vient de divorcer et comme elle pouvait pas avoir de maison, elle a emménagé chez eux. Ok. Sauf qu'ils ont que 2 chambres. Et que elle, du coup, et son mari, ils dorment chacun dans une chambre. Donc, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Elle dort avec son amie femme. Donc elles dorment ensemble et tout, elle la connaît depuis qu'elle a 2 ans. Ok. Et là, en fait, elle aussi, elle se sent seule et pas voulue. Et du coup, elles dorment ensemble toutes les nuits et elles font des câlins. Donc, we just cuddle. Et elle l'admet quand même. J'admets que je lui fais des petits bisous sur le front et sur les joues. mais voilà, elle dit, ma manière d'aimer, mon love language, c'est le toucher. Donc, si je peux pas toucher mon mari, il faut bien que je fasse des câlins à quelqu'un. Elle précise quand même, j'ai jamais touché ses lèvres et on fait rien d'autre que s'embrasser sur les joues. Mais ça fait 3 semaines qu'on dort en cuillère, d'accord? Et son mari n'est pas content. En même temps. Et son mari, qui n'est pas content, a dit à toute sa famille homophobe qu'elle l'avait viré de sa chambre pour dormir avec une fille. C'est là qu'arrive la dinguerie. Du coup, maintenant, son mari fait la gueule. Il lui crie dessus toutes les nuits, il a jeté des choses, il a cassé des assiettes, mais elle lui a fait un petit dîner un peu fancy pour pouvoir parler. Et elle écrit, il a pris l'assiette que je lui ai fait et il l'a jetée par terre en créant un énorme bordel. Super. Ok. Donc elle dit peut-être qu'il est juste déprimé, mais le problème c'est que toute ma famille me déteste maintenant, sa famille aussi, il me déteste et la seule personne que j'ai c'est mon ami. Et c'est pas assez. Ok. Un plot twist. Du coup, elle a dit, il vient de rentrer, je vais lui parler maintenant. Ok. Update, on a parlé pendant 1 heure, un très long discours, j'ai pleuré, lui aussi, on s'aime et on veut rester ensemble. Beaucoup de gens m'ont dit que peut-être qu'il était en dépression, donc on en a parlé. Moi, j'ai admis que j'avais embrassé mon ami sur les joues, et lui aussi, il a admis qu'il m'avait trompée avec mon ami. Pardon ? Mais pas la même amie. Mais oui, mais quand même. Et que c'est pour ça qu'il voulait plus dormir avec moi. Parce qu'il me trompait. Oh putain. Nous avons tous les deux admis nos torts. Et oui, nous allons... Alors, dans la balance, je suis pas sûre que... Et nous allons essayer de dormir ensemble de nouveau. J'ai mis mon amie dehors. L'ami, elle s'en est pris plein la gueule. Je pense qu'elle était amoureuse de moi et qu'elle a mis le bazar dans mon couple. Non. Je me sens très mal, etc. Et après tout, la raison pour laquelle il rentrait tard, c'est parce qu'il buvait pour oublier qu'il m'avait trompée car il se sentait coupable. Oh mon Dieu, cette histoire. Ok. Donc, en effet, donc elle a mis son ami dehors, mais au moins, elle a gagné son mari. Elle ne sait pas si ça suffit. Ne t'inquiète pas, ça se termine par là. Elle a écrit « Petite update. Je cherche une psychologue et un avocat pour le divorce. » Et du coup, elle a plus de potes parce qu'elle l'a mis dehors et en plus, elle divorce. Nouvelle update. C'est le dernier. Oh my god. Pour tout le monde qui me dit que je ne l'ai pas trompé et que c'est lui le connard, je ne sais pas quoi penser. En tout cas, Maintenant, avec mon ami, ça va mieux. Et avec mon mari, on travaille sur le divorce. Oh, j'adore ce plot twist. C'était bien. Elle était très bien comme histoire. Vraiment. Bon, on est du côté de la femme. On est d'accord que ce mec est horrible. Bien sûr. C'est un scandale. Non, vraiment, ces deux histoires sont bien. On saura jamais si vraiment elle va finir avec son ami ou pas. Moi, je pense que oui. Prédiction, je pense que oui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.